C'était 60 heures par semaine. Et le soir, ils travaillaient encore chez eux, souvent? Oui, en général, alors, on amenait ce qu'on appelait les temps perdus. C'est-à-dire que le soir, tu amenais à la maison encore une partie de ton travail sur lesquels tu pouvais encore avoir un supplément de salaire. Mmh. C'était souvent obligatoire parce que le salaire lui-même était assez bas, quoi.